C'est toujours un Farazena Fukushima Coco di Coco Yotikali Keba na Milanda Landa Coco liana Fuludi Coco di Coco Fukushima Chante Yo comme vibration. Donc, parallèle, le mini-ballon, comment on a passé? Mali, l'homme à l'aise. DJ Mali a tout l'option. DJ Mali, j'ai mon bouillet. DJ Mali, j'ai mon bouillet. Quand il m'en fait, je m'arrabille, je suis lancé. Et maman dit, j'opère les DJ. Et il sentit mon tour pas mal. Maman dit, quand je me ruse. Et maman dit, est-ce que c'est pour le président de l'écouter? Maman dit, Massa Music.